Bonjour à tous et à toutes. Nous voici pour une nouvelle leçon intermédiaire. Je m'appelle Amaury. And I'm Erica. Welcome to French Pod. Salut. Alors, pour la leçon d'aujourd'hui, on se retrouve à une fête. Yeah, we're going to a party. And the title is called The Uninvited Guest. Qui ne devrait pas être à la fête. So that's probably going to give you some idea what's going to happen. But that's all we're going to tell you. Et il y aura deux parties. A two-parter. So this is the first part. In this one, we're going to find out who the uninvited guest is and why they didn't invite him to begin with, right? Okay, so why don't we just listen to the dialogue first? Pas de problème. Écoutons ensemble. Sympa la soirée. Attends, mais je croyais que tout le monde était là. Salut les amis. Salut Pierre. Où sont les filles? C'est toi qui l'as invité? Mais non, c'est pas moi. Qu'est-ce qu'il fait ici? Je sens que ça va être une super soirée. Oh non, il y a Pierre qui arrive. Hey, salut les filles. Alors, on parle de moi? Non, pas vraiment. Super la musique. J'adore ce morceau de Jimi Hendrix. On m'a souvent dit que je jouais de la guitare comme lui. Bon, je vous sers un verre? Bonne idée. Vas-y, vas-y. Et voilà, deux bières bien fraîches. Bah, elles sont où? Pierre. Pauvre Pierre. No, pauvre all the people at the party. Ouais. I can see why they didn't invite him. Pourquoi il n'était pas invité? Because he's not cool. Because it seems like before he came, what'd they say? Sympa la soirée. It was pretty cool in the beginning. It was sympa. Tout allait bien. And then... Pas de problème. Et puis... Tadam! Pierre arrive. Before they entered the door, though, they said something, and we're going to look at some of the parts of it. So, first of all, what did they say? Mais je croyais que tout le monde était déjà là. First, we have je croyais que. Ouais. And the verb croire is to believe. C'est ça. But you tend to use believe more than think in French, don't you? On utilise souvent croire. Mm-hmm. So, if you say je croyais que, hey, that means like I thought. I was thinking. Voilà. On peut dire aussi « je pensais que ». Yeah, like « je pensais que » is pretty much the same. C'est la même chose. Right, to think, penser, or croire, to believe. But it's more common in French for you to say « croire ». Je croyais que. On l'utilise beaucoup plus en français, ouais. Je croyais que quoi? Que tout le monde était déjà là. Était déjà là. Ouais. Like the word here. But why don't they say ici? Parce qu'on veut dire être présent. Donc on utilise là. Être déjà là. But then... La porte s'ouvre et voilà notre invité. Pierre, who is not cool. Notre cher Pierre. And we can tell pretty quick he's not cool. What's the first thing? Où sont les filles? Where's the chicks? Ce qui n'est pas très cool. Yeah, not really. Maybe if he was thinking it, but maybe not to say it out loud. It's not very cool, huh? You know, now they're going to place blame on each other. Who on earth? Cause Pierre to come to this party, to this soirée. Voilà, c'est la faute de qui? Donc, il y a la première personne qui demande, c'est toi qui l'as invité? Right. So, now, in English, we would be like this. Did you invite him? We would put emphasis on the word you. Ouais. But in French, to put emphasis on the word you, how do you do it? En français, on dit, c'est toi qui. Donc, on accentue sur c'est toi. Qui, yeah. Ouais. So when you say, c'est toi qui, it's kind of like saying in English, you. Ouais. So what if we wanted to be like, it was, he's the one. How would you say that? C'est lui qui. Okay. I'm the one. C'est moi qui. Now in the next part, hey, it wasn't me, c'est pas moi. Exactement. Right. And just the fact that Pierre arrived. Oh là là. La personne... sens quelque chose. Yeah, what? Je sens que ça va être une super soirée. Okay, so let's look at this. Je sens que. What does that mean, like here? Ça veut dire, I've got the feeling. Oh, I have a feeling that this is... Dans le cas ici, c'est j'ai un mauvais feeling. Yeah, it's not a good one. Je sens que ça va être une super soirée. It's totalement. A little French sarcasm. Ouais, mais bon, ils ont de l'éducation. Okay. Donc... il est venu, donc il faut qu'il vienne à la soirée maintenant. Yeah, they can't kick him out. It would be, ça ne se fait pas. Yeah, it's just not done. Restons polis. Right. So far, we're not really sure why they don't like him at this point, other than he came in and said, où sont les filles? Peut-être ils espèrent que tout va bien se passer encore. Yeah, maybe, and maybe it will, but it doesn't sound like they really think so. So he goes up to the chicks, right? Exactement. Il va voir les filles directement. Yeah, he makes a beeline for the les filles. Première chose. And he just assumes, right, that... Qu'il est intéressant. Alors, on parle de moi. Yeah, he must be talking about me. Ouais. Parce que c'est funny. Même si les filles ne parlaient pas de lui, il continue. He doesn't really care. C'est pas grave, on continue. Super, la musique. Cool music, super. Let's look at this for a minute, because we saw this twice now, right? Like, in the beginning, they're like... Sympa, la soirée. And then now he's like... Super, la musique. Right, it's kind of very French. Oh, nice, the party. Super, the music. Yeah, so you can say that a lot, right? You can just say the adjective and the noun you're talking about and... Ouais, mm-hmm. Economizing words, huh? Making it short and simple. Give us another example, like... Jolie ta robe. Oh, thanks. Mm-hmm. It's new. Okay, so you can say that about clothes, too, and... Ouais. The music, yeah, it's so cool. Super. Let's look at this. He's talking about Jimi Hendrix, right? He's trying to be cool. Ah, il connaît la musique, Pierre. And this word... He's like a music aficionado, right? Voilà. And he talks about... let me ask you about this. He said that he loves ce morceau de ouais. Jimi Hendrix. Mm-hmm. Let's talk about that word. Morceau? Yeah, because normally that means like a piece, like a cake or something, right? C'est ça. Donc un morceau de gâteau. Mm-hmm. But then you can also use it for music then. C'est l'autre signification du mot morceau. Mm-hmm. C'est un morceau de musique. Donc ici, c'est un morceau de musique qui veut dire a piece of music. Morceau is a synonym here for song. Voilà, c'est une chanson. Voilà. So you could replace this with... J'adore cette chanson de Jimi Hendrix. Okay, so morceau. Ouais. This piece. Mm-hmm. That's funny. So that's, is that like the hip way to say it or is that the Pierre way to say it? Because we know Pierre's not cool. Ce n'est plus à la mode, là. That's not cool now. So if pas I said, trop. If I went to a soirée and I said that, like, people wouldn't think I was cool. Ce n'est pas le meilleur mot à dire. Okay. It's better to say song, chanson. Chanson est beaucoup plus, est plus utilisée. Yeah. Now we have pretty funny parts. Parce que tu vois, la première phrase qui dit « J'adore ce morceau de Jimi Hendrix right. », ça va, c'est pas mal. Okay. Mais après, on dit pas « On m'a souvent dit... » que je jouais de la guitare comme lui. Right, the air guitar. Voilà. He probably plays the air guitar, Pierre. So really, in this construction, right, because they say, on m'a souvent dit que je jouais de la guitare, right? Ouais. It really kind of means, I've been told. Mm-hmm, exactement. That I played guitar. That's why, that I've been told, on m'a souvent dit. Ouais. And that I played, je jouais. And we use the imperfect, the je jouais part, because they play guitar for frequent period, in general. Oui. Okay, and pay attention that, you know, when you play musical instruments. Voilà, nous avons l'expression... Jouer de la guitare. Voilà, jouer d'un instrument mm-hmm. de musique. Okay. Jouer de la flûte. Du piano. Jouer du piano. Okay. Pierre joue de la guitare like Jimi Hendrix. On a quand même dit que Jimi Hendrix était le meilleur guitariste qui ait jamais existé. Uh-huh. Do you think that's true? Un magazine uh-huh. de musique a fait un sondage. Oh really? Which magazine made a survey? Il y a le magazine Rolling Stone qui a quand même fait un sondage en disant que c'était le meilleur guitariste de tous les temps. Let me ask you about, you know, he asked the chicks, he asked the les filles, you know, he's going to get him a drink, but he says, je vous sers un verre. Because the why does he use the word servir here? You know, to serve. Servir, parce que c'est lui qui va aller au bar, uh-huh. prendre le verre et mettre la boisson dans le verre. Okay, because he's going to make it himself. Voilà. Donc c'est lui qui va servir le verre. Okay, because I don't know, in English it would be more like only the host or the bartender would say that. Non, non, ici comme tout le monde peut le faire, il peut dire ça. Si on disait je vous offre un verre, ce serait dans un bar parce que c'est pas... Il va juste payer. Okay, so yeah, we use offrir when you're talking about paying. Voilà. Ici, le serre, donc, servir. You're making it. Okay, good. Et là... Elles sont contentes. Bonne idée. Yeah. Vas-y. They see an opportunity. Mm-hmm. So when he comes back... En deux secondes, partis. They left. Mm-hmm. Ils sont où, les filles? Now, that's not the end of this. Et non, même en français, on dirait ce n'est pas la fin des aventures. Yeah, the adventure's just starting. Mm-hmm. This one, we just kind of found out why they don't want him there. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? I guess we have to wait. We have to wait for the next episode to find out, right? À voir. Et maintenant, donc, écoutons ce dialogue encore une fois. Okay. Sympa la soirée. Attends, mais je croyais que tout le monde était là. Salut les amis. Salut Pierre. Où sont les filles? C'est toi qui l'as invité? Mais non, c'est pas moi. Qu'est-ce qu'il fait ici? Je sens que ça va être une super soirée. Oh non! Il y a Pierre qui arrive. Hey, salut les filles. Alors, on parle de moi? Non, pas vraiment. Super la musique. J'adore ce morceau de Jimi Hendrix. On m'a souvent dit que je jouais de la guitare comme lui. Bon, je vous sers un verre? Bonne idée. Vas-y, vas-y. Et voilà, deux bières bien fraîches. Bah, elles sont où? Quand on fait une fête, c'est quand même pas la meilleure chose qui puisse arriver. When you have an uninvited guest that you don't want there. Bah ouais. To ruin the party. Mm-hmm. Scare away all les filles. Bah, voilà, quelqu'un qui... En fait, on dit qu'il ne met pas une bonne ambiance. C'est une expression en français. So they kind of ruin the ambiance. Voilà. What an uninvited guest does. Généralement, c'est pour ça qu'on les invite pas. On sait que ils sont capables du pire. Right. And I think next week we'll find out what Pierre really is capable of, right? Exactement. And it's going to be the next intermediate lesson. C'est ça. Alors restez avec nous pour la prochaine leçon sur French Pod. Mm-hmm. Mais pour cette leçon également, nous vous invitons à laisser vos commentaires et discuter avec nous. On the website, frenchpod.com. You can leave your comments. Sur frenchpod.com, exactement. Ce sera un plaisir de vous avoir. Sur ce, Erika... À bientôt. À bientôt, au revoir. Salut.